Sanganiro. Jean Bosco, Douimane. Nous sommes le 27 août 2019, c'est l'heure du journal parlé en français, la grande édition de cette journée. En voici les grandes articulations. Le gouverneur de la province de Bujumbura apprécie positivement le climat politique dans cette entité administrative, même si des cas d'intolérance politique ne manquent pas. Les conflits ayant affecté la région des Grands Lacs ont causé des blessures profondes chez les populations et cela ressort d'une étude menée au Burundi, au Rwanda et dans la région nord et sud de Kivu, en République démocratique du Congo. Une étude menée par le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP. Vous en aurez les détails tout à l'heure. Et 17 enseignants maîtres responsables de la commune Musigati en province Kubanza se sont vus rayés de la liste des participants à une formation à laquelle ils étaient conviés depuis ce lundi. Et dans la chronique santé, ce sera à la fin de ce journal, on nous parlera des staphylocoques qui sont des microbes à l'origine d'une quarantaine de maladies de la peau. Docteur Eli Mupera nous en parlera. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Le climat politique est bon en province de Bujumbura, même si des cas d'intolérance politique s'observent parfois. C'est l'appréciation du gouverneur de cette province, Nadine Gachuti. Cette autorité donne l'exemple des militants des partis CNDD-FDD-SNL qui quelquefois se chamaillent, mais que cette question est presque résolue grâce aux réunions de sensibilisation tenues pour leur expliquer que ce qui les unit est plus important que ce qui les divise. Elle est au micro de Mireille Kanyang. La province de Bujumbura, à l'heure que je vous parle, est en paix dans toutes les communes qui composent notre province. Et la cohabitation des partis politiques dans notre province, je peux dire que c'est pas bien, mais c'est pas très mal, parce que on a enregistré des malentendus entre les différentes parties, et surtout le CNL et les partisans de la CNDD-FDD. Ce qui s'est passé à Mwimbi ou à Nyabirawa, il y a les corps de justice, on les a traduits à la justice. Maintenant, celui qui voit que la justice a été partiale, c'est le temps lors de faire encore une fois un autre procès. S'il n'a pas été convaincu avec le procès qu'on a fait à Nyabirawa, c'est le temps alors de faire encore concourir à d'autres juridictions pour que la justice soit faite pour tout le monde. Un message est particulier pour qu'il n'y ait plus de falsification de permanence ou de chamaillerie. Ce que je peux dire pour les jeunes, être dans une partie politique et une autre partie, c'est très simple. Ne pas partager la même option pour être dans les partis politiques, c'est très simple. Il faut qu'ils cohabitent ensemble. Et surtout, il faut qu'ils développent des activités de développement ensemble, parce que si, même s'ils ne sont pas dans les mêmes partis politiques, ils peuvent travailler vraiment ensemble pour le développement de notre pays, aussi pour leur développement. C'est le rassemblement dans le travail de routine et c'est le rassemblement dans les réunions. On les rassemble pour donner des informations en matière de sécurité, donner des informations en matière de développement. Maintenant, on est sûr que vraiment les élections de 2020, la jeunesse sera prête vraiment à y arriver et ça sera des élections vraiment qui se dérouleront en paix. Nadine Gachuti, c'est le gouvernant de la province de Bujumbura. Les conflits ayant affecté la région des Grands Lacs ont causé des blessures profondes chez les populations. Cela ressort d'une étude menée au Burundi, au Rwanda et dans la région du Nord et Sud Kivu, en République démocratique du Congo, par le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP. Selon cette étude, l'aptitude de faire preuve de discernement, l'aspiration pour un futur paisible et le partage d'expériences sont entre autres les piliers de la résilience au conflit. Charles Makoto pour plus de détails. Cette recherche sur la résilience pour la réconciliation dans la région du Grand Lac a été faite dans la perspective de connaître les profondeurs des blessures et des traumatismes laissés par le conflit, connaître les raisons qui conduisent à la réconciliation et savoir quoi faire pour consolider les acquis de réconciliation. Selon Daniela Niteka, chercheure au CENAP qui a participé dans la recherche, autour de 90% des Burundais connaissent les conséquences des conflits selon qu'ils l'ont directement vécu, qu'ils ont été témoins de ce qui a été vécu par les voisins au Moma ou au Rwanda. Une partie de la population majoritairement jeune indique ne pas avoir de connaissances sur le passé conflictuel de leur pays, alors que ceux de la partie concernée par la recherche en République démocratique du Congo connaissent toujours les séquelles des conflits qui ont affecté et qui affectent toujours cette région. Selon les Burundais interrogés, la réconciliation doit se faire entre les voisins voisins, entre différentes communautés, entre les membres de la même famille, entre les gens et l'État, entre les ethnies et entre les ex-combattants et la population. L'aptitude de faire preuve de discernement, l'aspiration pour un futur paisible, la gestion des conflits au niveau communautaire, le partage d'expériences avec les autres, la compassion envers les autres, la contribution des radios communautaires sont entre autres initiatives positives qu'il faut pérenniser en vue de consolider la réconciliation au Burundi. Selon cette recherche, la mise en place des programmes de guérison de traumatismes pour intégrer une approche communautaire, promouvoir la pratique de médiation interne dans la résolution des disputes, multiplier les cadres inclusifs de dialogue sur le passé conflictuel et sur les expériences positives de cohabitation, promouvoir les opportunités d'emploi, seraient les pistes à privilégier pour arriver à une réconciliation effective au Burundi. Charles Makoto, et la corruption est l'un des défis auxquels fait face le secteur judiciaire au Burundi, ce qui fait que la justice n'est pas rendue à tous. D'après Arkade Harerimana, secrétaire permanent au ministère de la Justice, c'était ce mardi lors de la troisième session baptisée « Causerie judiciaire entre avocats et magistrats ». C'était pour échanger sur la problématique de l'accès à la justice. Une séance organisée par le ministère de la Justice après celle qui a eu lieu dans les provinces de Ngozi et Gitega. Les défis qui se sont observés, ce sont certains magistrats qui s'écartent de leur voie professionnelle, qui se livrent dans la corruption, d'autres manquent du professionnalisme suite aux influences, aux différentes influences sociales, ce qui se dit dans la société, les influences de nature politique, les influences de nature économique. Voilà, donc ce sont ces influences ces défis qui se sont observés. Alors, cette occasion nous est offerte pour discuter sur ça, pour échanger et voir ce que doit être un bon magistrat, ce que doit être un bon avocat dans notre société pour que nous puissions avoir le progrès, le développement dans notre société. Un bon magistrat, c'est un magistrat qui s'acquitte convenablement de ses devoirs. Si je dis convenablement, il faut penser à la déontologie, le respect des principes déontologiques qui se trouvent dans les différents textes que nous avons ici dans le pays. C'est ça, un bon magistrat. Du côté des avocats aussi, il y a des défis. Il y a des défis que nous avons observés. Il y a des avocats qui, au lieu de lire convenablement le droit, de savoir interpréter la loi, il se donne à la corruption aussi. Il commence à aller voir les juges pour les corrompre en vue d'avoir un jugement qui est à leur faveur. C'est aussi le manque de la maîtrise du droit, parce qu'un avocat, c'est quelqu'un qui est très important dans la société, parce que dans sa façon d'interpréter une loi, il contribue de ce fait dans l'avancement, dans la promotion du droit dans la société, parce qu'une interprétation faite, ça va aider les juges pour pouvoir arriver à un bon jugement. D'ailleurs, on dit que de bons avocats font de bons juges. C'est pourquoi dans notre société, nous voulons des bons avocats. Donc cette occasion va nous aider à nous fortifier, à nous enseigner pour arriver à ce stade, le stade d'avoir de bons avocats, le stade d'avoir de bons juges. C'était le secrétaire permanent au ministère de la Justice, Arkade Harerimana. Isanganiro, la radio. La réglementation des techniques d'information et de communication n'est pas proportionnelle à l'avancée de ces technologies. Et cela est dit par le directeur général ad intérim de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT ce mardi lors d'un atelier avec les opérateurs dans ce secteur. Ermalas Nahimana a indiqué que cette agence va collaborer avec les concernés sur cette lacune. Les précisions de Moïse Misako. Lors de cet atelier sur la transformation de la régulation du numérique, le directeur général ad intérim de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, Ermelas Nahimana, trouve que la réglementation de ce secteur n'est plus du moment. Ce secteur évolue tellement vite que son aspect légal et réglementé affiche beaucoup de lacunes. C'est l'un des motifs de cet atelier. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour faire une sensibilisation à l'endroit, non seulement des décideurs ou des opérateurs de télécommunications, mais aussi à l'endroit des utilisateurs. Et surtout, nous allons nous pencher sur l'aspect légal et réglementaire qui reste un peu en arrière par rapport à l'évolution technologique qui affiche une avancée très significative aujourd'hui. Quant au faible taux de l'utilisation de l'Internet, qui est de moins de 10%, Elmalas Nahimana indique qu'il y a un fonds de service universel pour la promotion de l'inclusion numérique. Au niveau du gouvernement, il y a eu création d'un fonds de services universel. Surtout, c'est pour promouvoir l'inclusion numérique. On vise à ce que l'Internet puisse atteindre tous les citoyens. Le directeur général ad intérim de l'ARCT indique que cette agence compte organiser des campagnes de sensibilisation de la population sur l'usage de l'Internet dans tout le pays. Merci Moïse. Nouvelle de province à présent. Les conducteurs de véhicules de transport quittant Guitega vers Bujumbura en passant par Mouranvia grognent que deux dodanes récemment construits dans la commune de Rutegama endommagent leurs véhicules et risquent de causer des accidents. C'est au moment où ces dodanes ont une grande hauteur, ce qui gêne la circulation des véhicules de petite dimension. Un expert en construction indique que pour installer les dodanes, il y a des critères comme l'étude des véhicules qui utilisent cette route. Quand il y a un manquement, ces dodanes doivent être refaits. Arthur Kavabouchi. Ces deux dodanes qui sèment la colère chez les conducteurs de véhicules de transport ont été récemment construits dans la commune de Rutegama de la province Mouranvia. Certains chauffeurs contactés disent que ce ne sont pas des dodanes à vrai dire, car les petits véhicules n'y passent pas et ils ont dû chercher un autre passage. Ces chauffeurs indiquent également que des fois la circulation est gênée car une voiture peut utiliser 5 à 10 minutes pour pouvoir passer et qu'il y a d'autres voitures qui sont bloquées. Ils demandent que ces dodanes soient remplacées par d'autres à dimension moyenne car c'est pour la sécurité routière. Mais quand ces dodanes sont de grande dimension, ça perturbe la sécurité routière. Aussi, ces chauffeurs demandent qu'il y ait des panneaux de signalisation visibles. Un expert en construction dit que pour construire les dodanes, il y a des critères à suivre se trouvant dans le dossier d'appel d'offres, notamment l'étude des véhicules qui passent sur cette route, si ce sont des camions ou voitures, pour savoir la dimension à donner aux dodanes. Cet expert souligne que s'il y a des manquements, le dodane doit être refait. Ces deux dodanes qui sont mal vus par les transporteurs ont été construits il y a plus de deux semaines dans la commune Rutegama. Arthur Kavabouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur, on parle toujours infrastructure routière. Cette fois-ci, en mairie de Bujumbura, des nids de poules s'observent à la première avenue de la zone urbaine de Moussaga, menant vers le quartier Gikoto. Des nids de poules s'observent à la première avenue de la zone urbaine de Moussaga menant vers le quartier Gikoto et les habitants de cette localité disent que cette route est impraticable depuis un certain temps. Ils demandent à l'administration locale de tout faire pour que cette route puisse servir de nouveau à la population environnante. Reportage de notre stagiaire Mélissa Kandave. Cette première avenue de la zone Moussaga, qui était jadis goudronnée, connaît aujourd'hui des nids de poules de son début jusqu'à son intersection avec la deuxième. Il est par conséquent devenu impraticable pour tout véhicule à tel point que les malades ne peuvent pas être transportés aux structures sanitaires, regrettent les habitants de cette localité. Nous demandons à l'État de faire tout ce qui est possible pour faciliter de se déplacer et de faire le commerce. Ces habitants ajoutent que la situation se détériore pendant la saison pluvieuse, car, disaient-ils, les eaux ruissellent vers leur maison d'habitation. Les habitants de la localité demandent aux services concernés de réhabiliter cette route pour faciliter les activités. Cette route est en panne. Auparavant, elle était goudronnée. Mais maintenant, ce sont des trous qui s'observent. Elle est impraticable. Ni les véhicules de marque tuk-tuk, ni les motos ne peuvent pas passer par ici. C'est l'impact pour notre santé au cas d'une maladie. Contacté à ce sujet, Daniel Kaboura, administrateur de la commune de Mouha, informe notre rédaction que les travaux de réhabilitation vont bientôt commencer avec l'appui de la mairie de Bujumbura à travers les contributions de la population municipale. Mélissa Kandava, stagiaire à notre station, et 17 enseignants maîtres responsables de la commune Moussigati en province Boubanza n'ont pas pu suivre la formation à laquelle ils étaient conviés depuis ce lundi. Ils disent ne pas comprendre pourquoi ils ont été rayés de la liste des participants à cette formation. De son côté, le directeur communal de l'enseignement dans cette commune reconnaît que l'erreur a eu lieu au niveau de l'organisation et de la budgétisation de ses activités. Il promet que le rapport est déjà transmis et que ces enseignants seront rétablis dans leurs droits. Spes Caritas Cavagnana. Ce lundi, au début de la formation, 17 maîtres responsables de la direction communale de Musigati, qui s'étaient présentés comme les autres, ont été obligés de retourner à la maison. Pour les sélectionner parmi 32 maîtres responsables que compte cette commune, on est passé par le tirage au sol, comme ils le racontent, et disent ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas été permis de suivre la formation alors qu'ils figuraient sur la liste des participants. Ils indiquent également qu'ils ne voient pas comment ils vont s'y prendre au niveau de l'encadrement et de la cotation des enseignants alors qu'ils n'ont pas suivi ces formations qui visent la réorganisation et le réaménagement des leçons. Des fois, ils passent même dans les salles de classe quand un enseignant est empêché, comme ils le soulignent. Au niveau de la direction communale de l'enseignement, on reconnaît qu'il y a eu une erreur au niveau de la préparation budgétaire de ces activités qui se déroulent actuellement au chef-lieu de toutes les communes. Sylvestre Banzoubaze, directeur communal de l'enseignement de Musigati, explique que seulement 15 maîtres responsables seront pris en charge au cours de ces activités et qu'on ne pouvait faire autrement. Il promet cependant que les 17 maîtres responsables qui restent seront bientôt rétablis dans leurs droits et vont aussi bénéficier de cette formation puisque le rapport est déjà transmis aux instances hiérarchiques. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, on parle des staphylocoques, ces microbes qui sont à l'origine de près de 40 maladies de la peau. La fièvre et les boutons intenses sont les premiers symptômes, comme l'explique le spécialiste des maladies de la peau, Dr Elishi Mopera, qui souligne que ces microbes touchent beaucoup les personnes qui ont une faible immunité. Cette chronique santé signée Ornella Mucho. Les staphylocoques sont des bactéries responsables d'infections et causent plus de 40 maladies dermatologiques. Le dermatologue explique que les symptômes sont généralement les mêmes pour toutes les maladies. Les staphylocoques, ce sont des microbes qui sont responsables de différentes maladies, et notamment les abcès et les furons. Et c'est essentiellement, c'est la fièvre. La fièvre, une fièvre très élevée. Et quand il y a une fièvre très élevée, il y a des courbatures, une altération de l'état général, des douleurs ostéo-musculaire, il y a des douleurs, il y a une perte d'appétit, il y a des troubles du sommeil. Bref, le sujet, il se sent fatigué, c'est comme il allait mourir. Et deuxièmement, on va observer des signes alors spécifiques qui vous orientent vers le staphylocoque. Ce sont des collections de pus sur la peau, sur la muqueuse, comme au niveau de la cavité buccale, dans la bouche, comme au niveau des parties génitales. Les enfants et les adultes sont les plus touchés par les staphylocoques, comme l'explique docteur. Les maladies infectieuses touchent essentiellement les sujets dont l'immunité est affaiblie, et parce que je vous ai dit, quand il y a une maladie infectieuse, il prend le dessus quand l'immunité se retrouve débordée, et donc les gens qui naturellement n'ont pas d'immunité, tels que les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants, les personnes qui ont une infection à VIH. Selon toujours ce spécialiste, les staphylocoques peuvent être diagnostiqués et traités par les antibiotiques. Les examens, ce sont les examens de laboratoire, notamment une numération formule sanguine, la vitesse de sédimentation et la recherche d'un retentissement viscéral, notamment au niveau des poumons, la radiographie pulmonaire, ou alors quand il y a une collection de pus, on peut prélever le pus et faire ce qu'on appelle un écouvionnage. Ce sont les antibiotiques, notamment les pénicillines, les macrolides, les cyclines. Ce sont des médicaments qui peuvent être efficaces. Ce sont des germes qui sont très fragiles, qui répondent facilement aux différents antibiotiques pour le peu que le traitement soit institué à temps. Comme conséquence, les staphylocoques peuvent se développer dans la circulation sanguine et peuvent se fixer dans les articulations, les os, les poumons et ou le cœur. Quand la maladie elle est traitée à temps et guérit sans problème, mais quand il y a un retard dans la prise en charge, les staphylocoques vont continuer à se multiplier dans l'organisme et ils vont passer dans tout le sang et ça donne ce qu'on appelle les septicémies qui peuvent entraîner la mort du malade. La prévention reste le meilleur moyen d'éviter les infections à staphylocoques en respectant les mesures d'hygiène. Docteur Elimu Pera conseille toutefois aux gens de se rendre à l'hôpital une fois que les symptômes comme la fièvre et les boutons se remarquent sur la peau. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi.